certaines personnes croient que ces gens-là ont de la science, mais en vérité, tu m'as dit le poète, c'est-à-dire, tu te trouves dans un endroit où personne qui a du ilm n'est présent, donc tu peux parler comme tu veux, mais s'il y avait même un petit des gens, des ulama, tu ne pourrais pas prononcer les paroles que tu as prononcées. Et c'est pour ça que, pour cela qu'on voit que l'imam al-Harawi, rahimahullah, un grand savant, pour expliquer un verset seulement, il a fait en 360 cours. Et l'imam al-Harawi, si on regarde l'influence qu'il a eue sur ses élèves, comment il a changé sa société, comment il a bien influé sur les gens qui l'entouraient, on voit que ça c'est la bonne éducation. Et ça c'est l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il explique un verset, il donne toute la science qu'il a appris de ses maîtres, et ainsi de suite jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela ne l'empêche pas, si quelqu'un vient lui parler des choses nouvelles, de savoir y répondre. Et comme on verra plus tard, inshallah, que c'est le grand savant qui connaît bien le kitab et le sunna et la langue arabe et les paroles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui peut bien juger les choses nouvelles quand elles arrivent et qu'on appelle en arabe un nazila. Et plus que ça, il est bien connu que le fait d'insulter les savants, ça ce n'était connu que chez les sectes, les 72 sectes. C'est pour ça que l'imam Abu Hatim al-Razi, il dit « Alamatu ahli al-bid'a al-waqi'atu fi ahli al-athar ». Cette parole, elle est rapportée par l'Al-Laka'i fi sunna, premier volume, 39e page, avec le sanad authentique. C'est-à-dire, le signe des 72 sectes, c'est qu'ils ne respectent pas, c'est qu'ils parlent en critiquant, c'est-à-dire qu'ils critiquent Ahl al-Athar, ou l'Athar, c'est le Hadith, et l'Ilm. C'est bien connu que Ahl al-Ilm sont Ahl al-Hadith. De même, Ibn Abbas, rahimahullah, radiyallahu anhuma, il dit: من آذى فقيها فقد آذى الله. من آذى فقيها فقد آذى الله. C'est-à-dire celui qui fait du tort à un savant. Celui qui fait du tort à un savant, celui-là il fait du tort à Dieu. Et Ibn Abbas n'a pas dit ça de sa tête comme ça. Il l'a pris en vérité du hadith qui est bien connu. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Hadith Qudsi, c'est bien une parole prononcée par Dieu. Que le dicton célèbre qui était connu avant, il disait: Man istakhaffa bil ulama zahabat akhiratuh. Man istakhaffa bil ulama zahabat akhiratuh. C'est-à-dire, celui qui critique, qui diminue de la valeur des savants, alors celui-là, il est en train de faire disparaître la vie de l'au-delà, il est en train de perdre l'au-delà. C'est pour ça que les savants ont parlé du verset. Inna shani'aka huwa al-abtar. C'est-à-dire, Dieu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui te combat, celui qui te critique, celui qui t'insulte, celui-là, alors, a sa descendance éphémère, si on veut, n'a pas de descendance. Et on a vu le hadith, comme quoi les savants sont les héritiers du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors Dieu défend ses héritiers comme il défend le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça maintenant, qui entend parler de Jahm ibn Safwan? Qui entend parler de Abdullah ibn Sabah? Qui entend parler de Bishr al-Marisi? Ceux-là qui ont combattu les premiers savants, qui ont combattu l'imam Ahmed, qui ont combattu l'imam Malak, qui ont combattu la sunna en général, qui ont combattu tous les savants. C'est pour ça que La défaite vient rapidement à ceux qui insultent les savants. Par exemple, vous trouvez certains gens qui appellent les gens, soi-disant, à l'islam et à l'application de la sharia. Mais on voit qu'ils ne laissent pas d'insultes, qu'ils ne donnent pas aux savants. Et une courte période passe avant la défaite. Et comme il est dit, « وَمِنْ ثِمَارِهِمْ تَعْرِفُونَهُمْ » Et les exemples sont bien connus à notre époque. Le pays où la da'wa, comme on dit, les gens ont commencé à insulter leurs savants, alors tout de suite la da'wa a été frappée. Et les résultats, c'était des fruits amers. Et comme j'ai dit, « وَمِنْ ثِمَارِهِمْ تَعْرِفُونَهُمْ » Si tu trouves un fruit qui comporte un poison, ça veut dire que l'arbre, si tu trouves un arbre qui donne de bons fruits, ça veut dire que l'arbre est bon, que la terre est bonne. Quant à ce qu'on entend, comme j'ai dit, à droite et à gauche, un tel, par exemple, connaît le hadith mais ne connaît pas le fiqh, ça, bien sûr, c'est un piège où tombent seulement ceux qui ne connaissent pas vraiment, qui n'ont pas de ilm, qui n'ont pas de bonnes connaissances dans la religion. Parce qu'ils savaient ça, ils savaient que ceux qui connaissent bien les hadiths, ce sont les plus savants, ce sont ceux qui savent mieux juger les choses. Comme a dit Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, « Ashab al-sunani a'lamu bi kitabillah » Ceux qui connaissent bien les sunan, ce sont eux qui connaissent mieux les livres, le Coran, c'est-à-dire. Et la même chose, Ibn Hazm, rahimahullah, il a dit, أَعْلَمُ النَّاسِ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَنِ Les plus grands savants, ce sont ceux qui connaissent le mieux les hadiths. Et les savants connaissent certaines histoires dans l'histoire où les mêmes paroles étaient rabâchées. Al-Khatib al-Baghdadi, dans Sharh al-Ashab al-Hadith, et al-Zahabi, dans Sir A'lam al-Nubala, il compte une histoire d'un individu. L'histoire, c'est la suivante. قال عبد الله بن الحسن الهسنجاني كنت بمصر فرأيت قاضيا لهم في المسجد وأنا امرأة فسمعت القاضي يقول مساكين أصحاب الحديث لا يحسنون الفقه فحضوت إليه فقلت اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جراحات الرجال والنساء فأي شيء قال علي بن أبي طالب وأي شيء قال زيد بن ثابت وأي شيء قال عبد الله بن مسعود فأفحم قال عبد الله فقلت له زعمت أن أصحاب الحديث لا يحسنون الفقه وأنا من أخف أصحاب الحديث سألتك عن هذه فلم تحسنها فكيف تنكر على قوم أنهم لا يحسنون شيئا وأنت لا تحسنه C'est-à-dire, il a trouvé un individu qui disait que les muhaddithins ne comprenaient pas le fiqh. Alors, هذا le savant, il est allé chez lui, il a dit J'ai dit, que disent les compagnons dans telle question, au sujet de telle question? Que dit un tel au sujet de telle question? Que dit un tel au sujet de telle question? Alors l'individu n'a pas su lui répondre. Et on regarde l'exemple qu'il a donné, il a dit, Jirahat al-Rijal al-Nisa, comme on entend maintenant dire, Ulama al-Haid al-Nisa, c'est-à-dire qu'ils savent comprendre que les affaires de règles et tout ça. هذا يقوزي أكلت كيف كسيان من كسيان يعني قصيلة غيطانك سويلة ما تصير غيطانك على كيف كي يدي يدي جاب خيطان دي كل محدثين من كونسي طالفق وما جسوي لبريزيل لبريبتي في أصحاب الحديث جيتي ميون الشك جيتي بوزي دي كسيان تنا تصير غيطانك كما على بتي جيجي دي جان Ils prétendent qu'ils ne connaissent pas telle chose alors que toi-même tu ne la connais pas. Alors que toi-même tu ne la connais pas. Et c'est ça la vérité. Ceux qui disent que les savants, Flan ne connaît pas le fiqh, Flan ne connaît pas le hadith, Flan, etc. Si tu veux leur faire un examen, tu vas voir que les choses essentielles ils ne connaissent pas. La même chose, ceux qui disent que les savants, maintenant les grands savants, ne connaissent pas le waqa, ils ne comprennent pas le waqa, les pauvres. Quand on examine bien l'histoire des dernières années. Et les paroles qu'on prononçait, ces personnes-là qui disaient que les savants ne comprennent pas le waqaf, les paroles, les jugements qu'ils ont donnés des événements, on voit bien que ce sont eux en vérité qui n'arrivent pas à juger l'actualité. Parce que ce n'est pas le plus important de connaître l'actualité, d'apprendre ce qu'il y a dans les journaux, d'apprendre ce que disent les radios, d'apprendre ce qu'il y a à la télévision. Ce n'est pas ça le plus important. Non. Et ce n'est pas, déjà, ce n'est pas quelque chose de vil de ne pas connaître ces choses-là. Non. Ce qui est vil, c'est de ne pas connaître le Coran et la Sunna, de ne pas pouvoir bien juger les choses. Et ça, comme on a vu, on ne peut y arriver que par le fait d'apprendre, et d'apprendre, et d'apprendre. Car celui qui apprend les journaux, et qui apprend les radios, ce que disent les radios, et qui apprend tout ça, si vraiment il met toute sa vie à faire ça, à perfectionner ses connaissances de ce que disent les ennemis, bien sûr, il n'apprend que ce qu'il veut bien il veut bien qu'il en prenne connaissance, il ne lui donne pas toute chose. Si vraiment il arrive à la perfection de ce métier-là qu'il a pris, alors il n'arrivera pas à la hauteur d'un journaliste d'AFP ou bien de Reuters ou bien de la BBC en retraite. La même chose, on entend certains gens dire « Flan, il fait partie de quelle secte ?» en parlant des grands savants. Flan, il fait partie de certaines sectes. Et si tu leur demandes d'où tu ramènes cette parole, ce jugement, ils te disent c'est évident. Si tu regardes bien, tu analyses les paroles, c'est comme ça. Mais nous, on ne suit, comme on a dit, que les grands savants. Donc quelqu'un qui vient dire Flan, il fait partie d'une telle secte, Flan, Mordieu, Flan, Kaba, ça en vérité, Alhamdulillah, ça n'est sorti que d'un petit. C'est pour ça que Ibn Battah, rahimahullah, il a dit que j'ai été insulté de tous les noms, j'ai été accusé de tous les titres. Et, alhamdulillah, Ibn Battah, il a été, si on veut, vanté par tous les savants de son époque jusqu'à notre époque. Donc il n'a pas besoin de quelqu'un pour défendre, si on veut, un avocat vis-à-vis de ceux qui l'ont calomnié. Et c'est ainsi que dit Abu Abdullah al-Hakim al-Nisaburi. قال كل من ينسب الى نوع من الالحاد والبدع لا ينظر الى الطائفه المنصوره الا بعين الحقاره ويسميها الحشويه. وقال ابن قتيبه وهذه كلها انباز لم يأتي بها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أثر عنه في القدرية أنهم مجوس هذه الأمة فهذه أسماء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك أسماء مصنوعة. C'est-à-dire que الحاكم il dit que tous ceux qui sont partis d'une des sectes ou de l'autre ne regardent pas la faction qui restait sur l'aqida de la religion originelle que d'une façon vile, c'est-à-dire ne les respecte pas. L'islam, contrairement aux autres religions qui ont été falsifiées, qui ont été changées, ne met pas les savants à un degré où on les suit aveuglément, mais on peut juger les gens, on peut juger les factions, si on veut, selon le respect pour les savants. C'est-à-dire, si on trouve un individu qui insulte les grands savants de son époque, alors on sait tout de suite qu'il est dévié. Et c'est pour ça que le Qutayb ibn Sa'id a dit, « Iza ara'ayta ar-rajula yatakallamu fi Ahmad ibn Hanbal wa Yahya ibn Ma'in ويحيى بن معين وإسحاق بن راهويه وفلان وفلان وفلان فاعلم أنه ضال. C'est-à-dire que le simple fait de critiquer ces grands savants, ces sommités, ces noms prestigieux, alors le simple fait, ça montre qu'il est dévié. Oui. Et pour conclure ce paragraphe, on va citer un hadith. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. الحديث apporté par le Bukhari. Ce hadith-là, il veut dire, il n'est pas d'époque sans que celle qui l'ait précédé soit meilleure qu'elle. Comment expliquer que l'époque soit meilleure qu'une autre ou pas? Et comment juger, je veux dire? Est-ce qu'on juge d'après le bien, la richesse du pays? Est-ce qu'on juge d'après la valeur de leur gouvernement? Est-ce qu'on juge la valeur de la technologie? Est-ce que la technologie est poussée ou pas? En vérité, si on regarde les gens de notre époque, on va voir qu'ils divergent dans la compréhension, dans l'explication, dans l'exégèse de ce hadith. Certains vont dire que ce sont les gouvernants qui sont moins bons que ceux qui les ont précédés. Certains vont dire que ce sont les richesses. Regardez, avant, les richesses qu'il y avait, c'est-à-dire, quand je dis richesse, c'est-à-dire par personne. Les fruits, le baraka, comme on dit, étaient mieux que maintenant. Mais en vérité, on n'a pas besoin de toutes ces explications. Pourquoi? Parce que Ibn Mas'ud radiallahu anhu a expliqué ce hadith. قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه لا أقول عام أخصب من عام ولا أقول عام أمطر من عام ولا أمير خير من أمير ولكن ذهاب علمائكم ثم ينشأ أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Mas'ud? Il a dit, il n'est pas d'époque qui vient sans que celle qui l'a précédé soit meilleure qu'elle. Et je ne dis pas que c'est la pluie qui diminue. Je ne dis pas que c'est la richesse qui diminue. Je ne dis pas que c'est le gouvernant qui est pire. Mais c'est la disparition de vos savants. Puis apparaîtront des gens qui vont juger les choses avec leur raison, avec leur tête si on veut, et alors on assistera à la fissuration, c'est-à-dire selmatul islam, la fissuration de l'islam et à sa destruction. Le hadith dans cette parole est extraordinaire. Ibn Mas'ud n'ignore pas le verset. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إني نقطع في لذقسي. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لذقسي لكي مانخ كون les gens deviennent moins bons, les gens deviennent moins bons, alors les richesses diminuent, la terre, il n'y a plus de pluie, la pluie devient rare, et la sécurité disparaît. Et bien sûr, il n'ignore pas ça. Et pourquoi il dit? Il dit que je ne dis pas que c'est la pluie qui diminue, je ne dis pas que ce sont les richesses qui diminuent. D'autant plus que dans certaines histoires, il est rapporté que certains avaient trouvé une date immense. Et quand ils l'ont ouvert, ils ont trouvé écrit dessus: هذا كان ينبت في وقت البركة. هذا كان ينبت في وقت البركة. C'est-à-dire ceci poussait à l'époque de la baraka, de la richesse, de la prospérité. Et tout le monde connaît le hadith qui dit que quand Isa alayhi salatu salam reviendra, et il y aura la bonté, la justice, et les gens suivront bien l'islam, alors la richesse, la prospérité de la terre reviendra jusqu'à ce que la terre donne des fruits immenses, à tel point que la grenade, le fruit du grenadier, les gens pourront se mettre à rendre de son écluché. Donc, Ibn Mas'ud n'ignore pas tout ça. De la même façon, il n'ignore pas que quand les gens deviennent moins bons, le savant devient moins bon, le gouvernement, pardon, devient moins bon. C'est pour ça qu'au début de l'islam, les savants c'était les meilleures personnes. C'était des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gouvernants, pardon. C'était les meilleures personnes. C'était les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus que cela, les meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr wa Omar, wa Uthman wa Ali, radiallahu anhum ajma'in. Ici tout cela. Mais comment dit les savants? Si on donne cette explication-là, comment expliquer que Omar ibn al-Aziz, il s'est appris le Hajjaj ibn Yusuf, et son époque, et Omar ibn al-Aziz était appris le Hajjaj ibn Yusuf. Le Hajjaj ibn Yusuf, c'était un despote et un criminel qui a tué des dizaines de milliers de personnes sans aucune raison. Alors que Omar ibn Abdel Aziz, certains l'ont appelé le cinquième califa pour sa justice, pour sa générosité. Les savants, ils ont dit, ce jugement-là, en fait, il est porté en général. C'est-à-dire que l'époque devient moins bonne que celle qu'il a précédée. Et la parole de Ibn Mas'ud montre bien le point essentiel. C'est-à-dire ce qu'il veut dire, Ibn Mas'ud, ça veut dire que ça, c'est des résultats seulement. Le fait que la terre ne pousse plus, c'est un résultat, ce n'est pas la cause. Le fait que le gouvernement ne devienne pas, mais ne soit plus comme celui qui l'a précédé, en général, bien sûr, je dis globalement, ça, ce n'est qu'un résultat, ce n'est pas la cause. Et ça, en vérité, c'est une réponse à ceux qui prétendent que la solution à tous nos maux, tous nos problèmes, c'est d'enlever les gouvernants. C'est-à-dire, si on était à l'époque de l'Hajjaj ibn Yusuf, les despotes, ils auraient dit, la cause de tous nos maux, c'est d'enlever l'Hajjaj ibn Yusuf. Personne n'est en contradiction avec vous pour dire que l'Hajjaj ibn Yusuf n'était pas ce qu'il était. C'est-à-dire, un criminel, comme c'est bien connu dans les livres d'histoire. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est quand on voit un mal, comment le guérir? Quand on voit un mal, comment le guérir? Quel est le meilleur médicament? Quel est le meilleur remède? Il est sans nul doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné le remède. Et c'est à nous de le chercher. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la parole de Mouzoud, pardon, radiallahu anhu, ولكن ذهب علمائكم ثم ينشأ قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. En vérité, Ibn Mas'ud, il nous a économisé la recherche, il nous a donné la réponse. Et cette réponse-là, quand on examine les nombreux hadiths, les nombreux versets, on voit que c'est vraiment exact. Et on fait une petite pause au niveau de sa parole. Et je ne dis pas un gouvernement pire que celui qui l'a précédé. Pour parler un peu de ce qu'on a dit, quand on voit un remède, quand on voit un mal qui a atteint cette nation, comment y remédier? Les musulmans ne divergent pas à l'époque où on est pour dire qu'on est dans une situation vraiment critique. Plus rien n'est entre nos mains. Et les peuples, les musulmans, sont vraiment éloignés de leur religion. Éloignés au niveau de la connaissance de leur religion. C'est-à-dire, le péché principal que Dieu ne pardonne pas, c'est shirk. C'est le fait d'associer à Dieu quelque chose. Ça, comme des gens savent bien tout ce qui rentre dans le shirk. Et ce que prétendent certains, ils disent que le shirk n'est pas important à l'époque où on est, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wallahi, ma akhafu alaykum an tushiku ba'di » En vérité, ça, ce n'est pas une parole qui laisse sur de preuve. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a dit, il a juré que Le dernier jour n'arrivera pas avant que certaines factions, certains groupes de cette nation deviennent associateurs, c'est-à-dire tombent dans le coffre. Et les hadiths sont bien connus. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a prononcé cette parole, c'est pour insister sur un point important. Il a dit, « وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُفْتَحَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا » C'est-à-dire, il voulait avertir de la fitna de la dunya. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça d'important, que le fait de voir l'argent, de compter l'argent, de courir après l'argent, ça c'est une grave fitna parce qu'elle peut faire basculer l'homme dans le péché, l'individu dans le péché. J'ai dit, les musulmans ne divergent pas, ils sont tous d'accord pour décrire l'état où on est. Mais où est la divergence? C'est comment remédier à ça. Le sujet autour duquel je veux discuter maintenant rapidement, c'est ce que prétendent certains, ils disent que si on change les gouvernants, alors tout redeviendra normal. En vérité, il ne suffirait pour répondre à ça un seul verset. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. C'est-à-dire, Dieu ne change pas l'état d'une communauté avant qu'il ne change ce qu'il y a en eux-mêmes, en leur esprit. Il n'a pas dit إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير حكامهم. Et c'est ça en vérité ce que disent ceux qui prétendent ça. Et ceux qui disent que la question du pouvoir, c'est la question la plus importante. En vérité, Cheikh Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, du Minhaj al-Sunna al-Nabawiyya, il a répondu à cette question. Parce que ça, en vérité, c'est Rafida Shia qui ont ramené cette idée-là. Ils ont dit, la question principale, c'est la question de l'imam. Et si on arrange cette question, tout s'arrangera. Alors ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a répondu. Et il a cité à l'unanimité l'avis des savants pour montrer que ce n'est pas la question essentielle. La question essentielle, c'est le tawhid, le fait de réaliser l'unicité de Dieu et de s'éduquer sa propre personne sur ça et d'appeler les gens à suivre l'unicité, à appliquer l'unicité de Dieu et ceux qui suivent l'unicité de Dieu. De la même façon, Al-Khattabi, rahimahullah, Abu Sulaiman, le grand savant, a dit « Inna fasadahum bidhunubina » C'est-à-dire, c'est-à-dire la déviation, la perversion de nos gouvernants, c'est à cause de notre perversion. Ça, en vérité, c'est une phrase vraiment intelligente. Pourquoi? Parce que le gouvernement, en vérité, ne vient que du peuple. C'est pour ça que chaque gouvernement de chaque pays à la culture, à la façon de penser du peuple. Il est imprégné de la culture du peuple qu'il gouverne. Et ça, on peut le remarquer, on peut le constater dans tous les pays qui existent actuellement. Donc, si on enlève ce gouvernant-là et on met un gouvernant à sa place et qu'il vienne du peuple, mais ce peuple-là, c'est rare sans que ceux qui suivent la bonne voie. Alors, que sera le résultat? Le résultat est bien connu. D'autre part, on peut se poser aussi la question, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas prendre le pouvoir? Est-ce que le pouvoir ne lui a pas été proposé? Si on dit qu'il lui a été proposé et qu'il a refusé, alors pourquoi ne suivrons-nous pas cette voie? Ça veut dire, alors dans ce cas-là, ça voudra dire que la façon d'arranger les choses, la bonne voie, c'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on s'est mis d'accord au sujet de cette question, « وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ » comme dans le hadith qu'il répétait chaque vendredi au cours du prêche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cause de son importance. Alors, on va dire, pourquoi ne pas suivre cette voie? Si on dit, il ne pouvait pas accéder au pouvoir, ne pouvait pas y accéder, mais il a essayé, alors là, on demande des Dalil. Mais en vérité, tout le monde connaît bien l'histoire des Kuffars, de Quraysh, les associateurs. Quand ils ont proposé le pouvoir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a refusé. Certains peuvent dire qu'il a refusé parce qu'il ne l'aurait pas laissé appliquer ce qu'il voulait. Et là, en vérité, on va dire, de la même façon, où sont les gouvernants maintenant, ou bien les gens qui peuvent prendre le pouvoir maintenant, et qui auront les mains libres? Deuxièmement, par réponse à ça, ce qu'il y a un hadith authentique que l'imam Ahmed a rapporté, le Musnad, et qui a rapporté dans d'autres livres aussi, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec l'ange Jibril. Puis un ange est descendu. Jibril a dit, cet ange-là, c'est la première fois qu'il descend sur terre depuis qu'il a été créé, et c'est la dernière fois aussi qu'il descendra sur terre, c'est-à-dire qu'il ne redescendra plus après être remonté. Cet ange-là, après s'être assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, « Oh Mohammed,